La Corée vient d'inaugurer la ligne aérienne Pyongyang-Dandong. L'avion quitte Pyongyang à 9h de tous les mardis et vendredis et arrive à 9h50 à Dandong, 9h20 temps local. Il quitte Dandong à 10h50, 10h20 temps local et arrive à Pyongyang à 11h40. Le premier vol est arrivé le 28 mars à Pyongyang. Le vol Pyongyang-Dandong réunira les commodités des touristes en Corée.